إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد. Donc on commence aujourd'hui le cours 48 dans l'explication de Al-Fatwa Al-Hamawiya Al-Kubra de Cheikh Al-Islam Ibn Taymiyyah. Et aujourd'hui on est arrivé à la parole de Cheikh Al-Islam lorsqu'il mentionne ou il cite l'imam Al-Arif Ma'mar Ibn Ahmad Al-Asbahani. Donc on va lire ça, on va commencer par lire ça, puis on va voir s'il y a des commentaires à faire et des explications à donner sur cette citation-là. Na'am. Ok. Donc on commence, inshallah. قال الإمام العارف معمر بن أحمد الأصبهاني شيخ الصوفية في حدود المئة الرابعة في بلاده قال أحببت أن أوصي أصحابي بوصية من السنة وموعظة من الحكمة، وأجمع ما كان عليه أهل الحديث والأثر وأهل المعرفة والتصوف من المتقدمين والمتأخرين. قال فيها وأن الله استوى على عرشه بلا كيف ولا تشبيه ولا تأويل، والاستواء معقول والكيف فيه مجهول، وأنه سبحانه بائن من خلقه والخلق منه بائنون بلا حلول ولا ممازجة ولا اختلاط ولا ملاصقة، لأنه المنفرد البائن من خلقه الواحد الغني عن الخلق، وأن الله عز وجل سميع بصير عليم خبير، يتكلم ويرضى ويسخط ويضحك ويعجب ويتجلى لعباده يوم القيامة ضاحكا، وينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا كيف شاء فيقول هل من داع فأستجيب له، هل من مستغفر فأغفر له، هل من تائب فأتوب عليه، حتى يطلع الفجر ونزول الرب إلى السماء بلا كيف ولا تشبيه ولا تأويل. فمن أنكر النزول أو تأول فهو مبتدع ضال، وسائر الصفوة من العارفين على هذا. أي نعم. Donc on va lire quelques explications et quelques clarifications. Premièrement, on va traduire et après on va faire les explications au fur et à mesure. Premièrement, قال الإمام العارف معمر بن أحمد الأصبهاني. C'est qui معمر بن أحمد الأصبهاني؟ Son nom c'est معمر بن أحمد بن محمد بن زياد الأصبهاني أبو منصور. شيخ الصوفية في زمانه بأصبهان، توفي سنة 810 و400، وله رسالة في التصوف. Donc c'était le cheikh des soufis à son époque. Et Cheikh l'Islam, il le cite, et ça c'est comme je vous disais dans le livre, Cheikh l'Islam lui-même il le dit, je citais des choses dans ce livre de certaines personnes dont je n'agrée pas leur manhaj, et dont je n'agrée pas tout ce qu'ils disent. Mais s'ils trouvent des paroles qui sont en accord avec le manhaj des salaf au sujet des attributs d'Allah, ils le citent comme une preuve contre les gens de bid'ah, pour leur dire que regardez, même parmi ceux que vous prétendez suivre, eh bien eux-mêmes ils ont affirmé le manhaj des salaf à propos des attributs d'Allah. Hein? Donc pourquoi vous les contredisez, hein? Alors que ils sont supposément sur la même voie que vous. Et donc al-soufiya ou al-tasawwuf, il y a beaucoup de gens qui ne savent pas qu'est-ce que c'est al-tasawwuf et al-soufiya. Et en réalité c'est que comme on voit par exemple Cheikh l'Islam des fois dans certains de ses livres il va mentionner certains des anciens, hein, parmi les shuyukh des soufis, c'est que à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam et des sahaba, ce terme là il n'existait pas. Il n'y avait pas un terme ou une expression ou une appellation que les gens utilisaient qui s'appelle soufia ou bien tasawwuf. Ça n'existait pas au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça n'existait pas au temps des sahaba. C'est quelque chose qui est apparu par la suite. Et à l'époque des sahaba, quand ils voulaient désigner quelqu'un qui est un adorateur, ou quelqu'un qui fait beaucoup d'ibada, ou quelqu'un qui fait beaucoup de zikr, ou quelqu'un qui s'accroche à l'adoration, qui fait beaucoup d'efforts dans l'adoration, et bien entendu dans les limites de la sunna, et également quelqu'un qui donne pas d'importance à la dunya, hein, il délaisse ces choses-là, il l'appelait un zahid. Il disait que ça c'est az-zuhd, ou bien al-wara, hein. Donc, az-zuhd, c'est quoi? C'est-à-dire, tu laisses pas la dunya prendre une place dans ton cœur plus grande que l'akhira, plus grande que l'au-delà. Hein? C'est-à-dire, tu délaisses la dunya d'une certaine façon. Pas dans le sens que tu vas pas vouloir prendre qu'est-ce qui est halal et que tu vas abandonner tout ce qui est bon. Tout ce qui est comme plaisir halal ou désir halal ou des choses de bien qui sont halal, tu vas les délaisser puis tu vas juste te limiter à la vie qui est difficile et des choses de ce genre. Non, mais en même temps tu vas pas laisser la dunya prendre une place trop grande dans ton cœur et oublier l'akhira. Donc au début le tasawuf c'était ça, des gens qui donnaient plus d'importance à l'adoration, qui se concentraient beaucoup là-dessus. Et donc c'est pour ça que les premiers, parmi les premiers soufis, ceux qui ont été appelés soufis par la suite, quand cette appellation-là est apparue, on désignait quelqu'un comme étant un soufi lorsqu'il avait du zuhd et lorsqu'il avait du wara, que quelqu'un qui craignait Allah, qui avait peur de tomber dans le haram, même qu'il s'écartait de ce qui était permis par crainte de tomber dans le haram. C'est ça, le wara. Ok? Et donc, à cette époque-là, donc, il n'y avait pas encore des innovations graves qui étaient rentrées dans le soufisme. C'est apparu petit à petit. Parce que les soufis, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont commencé à s'écarter des savants et des ulamas, des grands ulamas par la suite. Puis, à cause de leur ignorance, puis à cause aussi du mélange qu'ils ont, le fait que certains d'entre eux se sont mélangés avec des gens qui avaient des idéologies qui étaient déviées et qui ont commencé à introduire dans le soufisme des aspects qui ont rapport avec la philosophie. Puis des trucs comme ça. Donc le soufisme s'est mélangé, puis s'est transformé, puis c'est devenu quelque chose totalement différent de ce que c'était au début, quand ça a commencé. Donc, qu'est-ce qu'on retrouve aujourd'hui parmi les gens qui se disent soufis? La plupart du temps, c'est de l'égarement. Et les ulama, ils disent qu'à notre époque, donc, tous les soufis qui existent, c'est soit que c'est un égarement. Comme c'est dans le sens qu'on va dire que c'est des bid'ahs qu'ils font, comme certains ont dit par exemple. Il y en a qui ont des bid'ahs qui sont tellement graves que ça les fait sortir de l'islam, parmi les soufis, et il y en a d'autres qui ont des bid'ahs qui ne sont pas mukaffira, qui ne font pas sortir de l'islam, mais qui sont quand même des égarements graves. Et pour donner des exemples, de qu'est-ce qu'on retrouve chez les soufis comme bid'ah, qui sont des bid'ahs de kufr et de shirk, il y a par exemple la aqida de wahdatul wujud. La aqida de wahdatul wujud, c'est-à-dire la aqida de Ibn Arabi, celui qui disait que ou qui croyait que tout est Allah et que Allah est tout, ou bien qu'il n'y a pas de différence entre le créateur et la créature, tout ce qui existe est une seule existence. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc ça c'est un exemple, de kufr. C'est une aqida qui est kufriya. La même chose aussi en qu'est-ce qu'on appelle al-hulul. Al-hulul, c'est-à-dire il y a al-hulul al-am ou al-hulul al-khas, comme on a expliqué au dernier cours. C'est-à-dire al-hulul al-khas, c'est ceux qui croient que Allah subhanahu wa ta'ala se mélange avec certaines créatures ou il rentre dans certaines de ces créatures. Un peu comme les chrétiens par exemple, eux ils croient que Dieu est rentré dans Jésus. Donc il y en a des soufis qui croient que Allah subhanahu wa ta'ala peut rentrer non seulement dans comme les chrétiens dans Jésus, mais il rentre dans les hommes pieux, les serviteurs, les awliya, et ainsi de suite. Et il y a aussi ça chez les hindous. Les hindous, ils croient en qu'est-ce qu'ils appellent les avatars. Et les avatars, c'est pour eux, c'est comme des incarnations de Dieu. Oui, avatar, c'est un terme qui vient de la religion hindoue. Et donc, ils croient donc que les dieux qu'ils adorent, c'est des avatars, c'est-à-dire des représentations ou des hommes qui étaient, disons, remplis de Dieu ou des choses comme ça. Donc, chez les chrétiens, il y a ça. Puis, chez beaucoup de koufars, chez beaucoup de mouchriquins, il y a ces croyances-là. Et l'idée, parfois, aussi chez les Grecs, la mystique grecque, puis la mystique chrétienne aussi, qu'à force de faire des actes de piété, puis des exercices spirituels, à force de s'isoler, y aller dans la nature, ou dans quelque part où il n'y a personne, et se priver de nourriture, de se priver de femmes, et de beaux vêtements, des choses comme ça. Donc, en se détachant de tout, eh bien, après un certain moment, en faisant des dhikrs que eux ils ont inventés, ben, ils pensent que, ils deviennent un avec Allah. Et qu'ils se perdent eux-mêmes dans leur état d'extase. Hein. Ils rentrent dans des états d'extase et ils s'imaginent à ce moment-là que ça y est, ils se fusionnent avec Allah. Donc, Allah musta'an, ça c'est parmi les terminologies qu'on trouve chez les soufis. En tout cas, il y a beaucoup de ulama dans le passé et à l'époque actuelle qui ont critiqué les soufis pour ces raisons-là. Et ça, c'est juste des exemples que je viens de donner, mais il y a beaucoup d'autres croyances qu'ils ont qui sont shirk et kufr, comme par exemple l'idée que leurs chouyours connaissent le raïb et puis qu'ils peuvent contrôler le monde. Il y en a d'autres qui croient, par exemple, parmi eux, que ils peuvent même demander à leur cheikh, quand il est mort dans sa tombe, il peut répondre à leur invocation, des choses comme ça, qu'ils font des karamates à volonté, c'est-à-dire des prodiges, des miracles à volonté, comme ça, puis quand ils sont vivants et même après leur mort. Puis ils ont des croyances de superstition, puis de que leurs chouyours sont des êtres surnaturels, des choses comme ça. Donc en tout cas, il y a beaucoup de bid'a, puis de kufr et de shirk. Donc ça, c'est parmi les croyances qui rentrent dans le shirk, de croire que le shirk il connaît le rêve et des choses comme ça. Ça rentre dans le shirk et dans le kufr. Il y a d'autres bid'a que les soufis pratiquent qui sont moins dangereuses et moins graves que celles-là. C'est-à-dire qu'ils ne rentrent pas au niveau du kufr et du shirk majeur, comme par exemple ceux qui font leur zikr avec les instruments de musique, avec les danses dans les mosquées, aussi qu'est-ce qu'ils font par exemple le Mawlid al-Nabawi, des choses comme ça, le fait de dire que il faut donner la bay'a au shaykh, pour rentrer dans sa tariqa, pour être initié. Puis pour être initié, il y a certaines choses à faire, un certain rituel à pratiquer pour être accepté. Et après ça, il va te donner un certain vêtement, puis tu dois porter ce vêtement-là. Puis les gens de la tariqa, ils ont un vêtement particulier qui sont différents du reste des autres musulmans. c'est-à-dire qu'ils ne s'habillent pas comme tous les autres musulmans, ils ont un vêtement différent des autres musulmans et certaines couleurs particulières qu'ils doivent porter, pas comme les autres musulmans. Aussi, ils ont certes, leur cheikh va leur prescrire un wird, c'est-à-dire un certain nombre d'azkar qu'ils doivent réciter quotidiennement, et un certain temps spécifique, un nombre spécifique qui n'a aucune référence avec la sunna, aucune référence dans le Coran, et plein d'autres trucs comme ça aussi, qui yani, ils croient yani, que leur cheikh il a le droit d'inventer des nouvelles ibadat. Ça c'est sans compter ceux qui croient que leur cheikh et Allah leur parle, Allah parle à leur cheikh directement, ou le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur apparaît en plein jour, puis leur enseigne des nouvelles pratiques religieuses qui n'ont pas été révélées ni dans le Coran ni dans la Sunna. Il y a plein de choses à dire sur les soufis, il y en a beaucoup de choses à dire là-dessus, mais c'est pour dire, quand on a posé la question à Cheikh Al-Fawzan, est-ce qu'il y a des soufis qui sont en accord avec la Sunna, c'est-à-dire des soufis qui sont 100% avec la Sunna, et le Cheikh Al-Fawzan il a dit non. Tout ce qui est soufis, ça rentre dans la bid'a, mais c'est juste le degré de bid'a qui est différent. Soit que c'est une bid'a qui est grave, qui fait sortir de l'islam, qui est shirk, hein, comme ils les appellent les ulama, al-roulat soufiya. Donc, roulat soufiya, c'est ceux qui yani, tombent dans le shirk, yani, sortent de l'islam. Puis il y a les soufiya yani, qui ne sont pas à ce degré d'égarement-là comme les autres, mais ils sont quand même dans le dalal parce qu'ils ont des innovations, et donc c'est dangereux. Yani. Et. Donc c'est ça. Le soufisme aussi a un aspect qui est dangereux aussi là, par rapport à ça, c'est que c'est quelque chose qui est caché. Dans le sens que c'est quelque chose qui est mystique. C'est ça, en français même, ils le traduisent parfois par le mysticisme musulman. Et le but du mysticisme, c'est que ce soit pas ouvert à tout le monde, mais que ce soit réservé à une certaine catégorie ou une certaine élite, comme eux ils prétendent. Puis aussi, c'est qu'ils ont des codes. Ils ont un langage et un code, des codes pour eux seulement. C'est-à-dire que des fois, ils vont utiliser les mêmes termes que le reste des musulmans, les mêmes mots, mais ils n'ont pas les mêmes définitions pour ces mots-là. Pour toi, tu penses que ça veut dire qu'est-ce qui est connu dans l'islam, mais en réalité, eux, ils utilisent ça pour dire autre chose complètement différent. Donc, c'est pour ça qu'ils parlent en langage codé, en fait, tu vois. Et les ulama, ils ont parlé de ça, justement. Même que dans certains des livres des soufis, il y a même des langages, yani, avec des lettres qui n'existent. C'est-à-dire, c'est pas en arabe, c'est des lettres codées. Peut-être que je vous amènerai les livres pour vous montrer comment ils écrivent, yani, subhanallah. Et c'est pour dire que, en fait, ils veulent que les choses, ils ont des croyances et des pratiques et des choses, des enseignements qui sont secrets. Ils disent que ça fait partie de nos secrets et il ne faut pas le divulguer ou le dévoiler aux autres musulmans. Ça là, c'est ça. Donc, ça c'est clair que c'est dalal, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam même, il n'a rien caché aux musulmans et à la umma. Et même il y a un hadith de Aïcha radiallahu anha, elle dit, celui qui croit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a caché quoi que ce soit de la révélation, alors il a certes inventé un grand mensonge. Yani. Tout ce qui avait à être révélé, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a transmis, il l'a révélé. Hein. Et les sahaba n'ont rien caché non plus. Donc ça c'est, yani, de façon générale, c'est ce qu'on peut dire à propos des soufis. Toutefois, certains parmi les premières générations des hommes pieux, certains leur ont donné le titre de soufi, mais en réalité, c'était pas le soufisme tel qu'il est aujourd'hui, et c'était plutôt juste l'islam qu'ils pratiquaient. Et il n'y a rien, en fait, moi je dis souvent ça, parce que les ulama l'ont expliqué, c'est qu'il n'y a rien, c'est-à-dire qu'il n'y a rien à rajouter à l'islam et à la charia. Et il n'y a rien, comment je pourrais dire, tout ce qui est dans le soufisme qui ne fait pas partie de la charia et de l'islam et du Coran et de la sunna, alors ça ne fait pas partie de l'islam. D'accord? C'est ça. En fait, c'est ça, c'est ça la règle. Parce qu'eux, ils divisent l'islam en sharia et yani haqiqa. Ils disent, il y a la sharia et il y a la haqiqa. Ils disent donc, nous les musulmans ordinaires qui ne sont pas soufis, on se concentre juste sur la sharia. Mais eux, ils disent, non, nous, on se concentre sur la haqiqa. Et ils divisent aussi en zahir et batin, en tout cas. C'est pour jouer tout le temps avec les mots, mais bon, Allah musta'an. Il y en a parmi les shuyukh à des premiers siècles, tu sais, comme là il dit le quatrième siècle, ça c'est le al-mi'atu rabi'a, c'est-à-dire le quatrième siècle, qui était parmi les shuyukh soufiens, qui avaient la même aqida que l'aqida des salafs. Et ils ne sont pas rentrés dans aucune de ces bid'a-là. Donc voici ce qu'il dit cet imam, ou bien plutôt ce sheikh. Il dit que c'était le cheikh des soufis à la limite du quatrième centenaire, et dans son pays, Isfahan, dans la région des Perses. C'est dans ces régions-là que le soufisme est commencé, ok, en Iran puis en Irak, dans ce coin-là. Et en même temps aussi, il y a des origines communes entre les soufis et les chiites. Il y a des liens, il y a certains liens entre eux. Donc il a dit, lui, il dit, j'aurais aimé vous enjoindre et conseiller à mes compagnons le conseil ou bien le conseil de la sunna et de les exhorter par la sagesse sur ce sur quoi les gens du hadith et des transmissions et des traditions plutôt se sont mis tous d'accord. Et ainsi que les gens de la connaissance et du tasawwuf, parmi les premiers et ceux qui ont suivi. Il dit, parmi ces choses-là, qui font partie des choses sur lesquelles les gens se sont mis d'accord dans la sunna, et dans les choses sur lesquelles on est d'accord par rapport à la aqida, il dit, il y a que Allah subhanahu wa ta'ala est au-dessus de son trône, sans qu'on essaie de chercher le comment ou définir le comment, et sans faire de ressemblance entre le créateur et la créature, et sans déformer le sens des attributs d'Allah, et que Allah subhanahu wa ta'ala, donc il faut croire en al-istiwa, hein? Il faut croire en al-istiwa, et il dit ici aynam, al-istiwa ma'loum, ça c'est dans une des narrations, c'est écrit al-istiwa ma'loum, mais l'expression qui est connue de l'imam Malik, c'est al-istiwa ma'loum et non pas ma'koul. Bon, peut-être qu'il y a un mélange. Et wal-kayfu fihi majhoul, c'est-à-dire le comment, il n'est pas connu, donc on ignore le comment. Et c'est-à-dire qu'on n'a pas le droit d'essayer de chercher à savoir comment Allah s'est élevé sur le trône, parce que ça fait partie du raïd, hein. Et on ne peut pas le savoir puisqu'il ne nous l'a pas dit. « وَأَنَّهُ عَزَّ وَجَلْ بَائِنٌ مِنْ خَلْقِهِ وَالْخَلْقُ مِنْهُ بَائِنٌ » Donc Allah est séparé de sa création et sa création est séparée de lui. Et on doit croire en Allah subhanahu wa ta'ala et qu'il est au-dessus de son trône sans aucun mélange. « بِلَا حُلُولٍ وَلَا مُمَازَجَ » Il n'y a pas de mélange entre le créateur et la créature. D'accord. Allah subhanahu wa ta'ala, il va pas rentrer dans sa créature, puis la créature va pas rentrer dans Allah subhanahu wa ta'ala pour se mélanger les deux. Non. Wala ikhtilatin wala mulasaqa. Ils vont pas se mélanger ensemble ou se coller ensemble. Ils sont séparés. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il est séparé de sa création et il est al-ghani عن الخلق الواحد الغني عن الحق, c'est-à-dire l'unique, celui qui se suffit à lui-même et qui n'a aucunement besoin de sa création. Donc ça c'est un point qui est confirmé, qui vient réfuter les gens qui croient en Wahdatul Wujud et qui croient en Al-Hulul. Donc il réfute les soufiyins d'aujourd'hui parce que toutes les turqs aujourd'hui croient en Wahdatul Wujud. Il n'y a pas une tariqa soufiya aujourd'hui qui existe qui n'a pas comme principe et comme fondement la aqida de Wahdatul Wujud. Et aussi, comme par rapport à Wahdatul Wujud, quand les ulama réfutent les soufis, par rapport à Wahdatul Wujud, ils citent parfois leurs paroles dans leurs livres. à ce sujet-là. Et souvent, les soufis, ils aiment s'exprimer par poésie. Ils aiment s'exprimer par poésie quand ils parlent de ces questions de Wahdatul Wujud. Donc, ils essaient toujours de jouer avec le principe ou l'idée que non, c'est des paroles allégoriques ou c'est des symboles. C'est comme si en voulant dire c'est pas réel, ils croient pas vraiment en ça, c'est juste de la poésie. Tu vois? Donc, c'est une de leurs ruses. Parfois, c'est exprimé comme ça par poésie. Et ils disent que ils étaient tellement, certains soufis disent ça pour s'excuser en fait. Ils disent, on était tellement dans l'extase et dans, noyé dans l'amour d'Allah. Ça, c'est comme ça qu'ils parlent. Que on a perdu conscience de nous-mêmes et on a sorti des paroles sans même qu'on réalise vraiment qu'est-ce qu'on était en train de dire. Comme si ils essaient de dire qu'ils étaient dans un état d'extase et de folie. Et c'est pour ça, donc, je veux dire, quand quelqu'un il est fou, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il y a quatre personnes pour qui la plume est, ou trois personnes pour qui la plume est soulevée. C'est-à-dire les anges, ils les écrivent pas. Donc c'est la personne qui est folle jusqu'à ce qu'elle retrouve sa raison, tu vois. Donc c'est soufiyin. C'est triste, mais ils se basent sur des gens qui sont dans des états de folie pour déterminer leur aqida. Donc c'est ça, c'est des exemples de leurs égarements là, dans ce sens-là. Mais en même temps aussi, des fois il y en a qui l'expriment non pas en poésie, mais en vraie parole, comme en parole ordinaire, ils l'écrivent, puis tu vois clairement que c'est du kofian. Il dit ensuite. Et que Allah subhanahu wa ta'ala, il est Samir, il est Audien, il est Basir, il est Voyant, il est Alim, il est Omniscient, il est Khabir, il est bien parfaitement informé. Yatakallam, il parle. Yarda, il se satisfait. C'est-à-dire, il est satisfait. Wayaskhab, il se met en colère. Wayadhak, et il rit. Wayajab, il s'étonne. Wayatajalla li'ibadihi yawm al-qiyama, dahikan. Et il va se manifester à ses serviteurs au jour de la résurrection en riant. Wa yanzilu kulla laylatin ila sama'i ad-dunya. Et chaque nuit, il descend au dernier des cieux. Et il dit, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut m'invoquer ou me demander pour que je l'exauce? Est-ce que quelqu'un veut me demander pardon pour que je lui pardonne? Est-ce que quelqu'un veut se repentir pour que j'accepte sa repentance? Et il demande jusqu'à ce que l'aube se lève. Il demande jusqu'à ce que l'aube se lève. Donc, il faut croire en la descente d'Allah subhanahu wa ta'ala au dernier des cieux. Et il descend, d'une manière qu'on ne peut pas comprendre, dans le sens que on ne doit pas poser le comment, de comment il descend. Et on ne doit pas non plus essayer de faire de ressemblance entre la descente des créatures et la descente d'Allah subhanahu wa ta'ala, ni essayer de déformer le sens de la descente, comme on l'a dit au dernier cours, eux ils disent que c'est l'ordre d'Allah qui descend, ou bien que c'est son ange. Alors que le hadith, il est clair que c'est Allah qui demande. C'est Allah qui dit aux serviteurs, est-ce que vous voulez m'invoquer? Est-ce que vous voulez me demander pardon? L'ordre d'Allah, il descend pas seulement au dernier tiers de la nuit, il descend à tout instant, hein. Et donc, il n'y aurait pas de particularité à dire que c'est au dernier tiers de la nuit si c'était l'ordre d'Allah. Et en même temps aussi, si c'était l'ange, eh bien l'ange n'allait pas dire qui veut me demander pardon pour que je lui pardonne, puis que parce que c'est seulement Allah qui pardonne. وَمَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ. Donc personne pardonne les péchés excepté Allah. Donc ça c'est un point pour clarifier cette question-là. Et il dit donc que celui qui renie la descente d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou qui essaie de déformer sa signification, alors il est un mubtadi' dal, c'est-à-dire que c'est un innovateur égaré. Et il dit, et le reste des as-safwa min al-arifin, as-safwa, c'est-à-dire la crème de la meilleure catégorie des gens qui, parmi ceux qui ont la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils sont sur cette croyance là. Donc c'est ce qu'il dit. Mais en même temps aussi, le terme arif billah ou le terme de ma'rifa, c'est pas un terme qu'on emploie pour définir la connaissance de l'islam ou la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est un terme, tu l'entendras presque jamais chez quelqu'un d'autre que chez les soufis. Eux, quand ils parlent de quelqu'un parmi les soufis, ils vont dire al-arifu billah, hein? Al-arifu billah. Et qu'est-ce qu'ils veulent dire par al-arif billah? C'est-à-dire c'est la notion de en fait, nous on dit quoi? Al-alim billah, hein? Parce qu'on parle du ilm d'Allah, hein? La science à propos d'Allah, hein? On ne dit pas al-ma'rifa ou al-arif billah. Pourquoi? Parce que eux, la notion qu'ils ont de al-ma'rifa et al-arif, c'est dans le sens de la gnose. Qu'est-ce qu'ils traduisent par la gnose? C'est-à-dire une connaissance qui n'est pas basée sur la révélation, mais une connaissance soit basée sur l'expérience ou bien basée sur les sensations ou les expériences spirituelles qu'ils ont faites ou des choses comme ça, tu vois. Donc c'est pas basé sur le Coran et la Sunna, et c'est pour cette raison là que tu trouveras jamais des ulama qui vont utiliser ce genre d'expression là. Et il y a même Cheikh, je pense que c'est Cheikh Mohamed Aman Al-Djami, rahimahullah, il disait, si quelqu'un te dit qu'il est un arif billah, si tu lis que quelqu'un dit c'est un arif billah, sache que c'est un kafir ou un zindiq. Oui, parce qu'en général, tu vas pas trouver qu'est-ce qu'il veut dire par là. Il veut dire arif billah, il veut dire yani, il pense qu'il a peut-être vu Allah. Même c'est ça. On m'a dit l'amalamtana. Exactement. Dans le Coran, on trouve pas yani al-ma'rifa, c'est ça. C'est ça. Donc c'est pour ça. Il dit, la plupart des gens qui disent ça, c'est, si je retrouve la parole de Cheikh Mohamed Aman là-dessus, il a dit clairement. Il a dit, si quelqu'un te dit qu'il est arif, yani c'est un kafir, yani, ou des choses comme ça. C'est pas les gens qui, ouais, non, c'est pas les musulmans, les croyants, yani, qui sont décrits par cette description là. Ensuite, qu'est-ce qu'il a dit? Ok, c'est ça. Donc on a traduit la citation. On va lire quelques explications qui ont été données par les ulama au sujet de la parole de yani Ma'mar ibn Ahmad al-Asbahani. يعني أثبت الإمام معمر ابن أحمد الأصبهاني في وصيته هذه الاستواء لله تعالى، كما أن في قوله بلا حلول ولا ممازجة ردا على الجهمية القائلين بالحلول والاختلاط والممازجة، أي أنه تعالى على قولهم مختلط بالمخلوقات وممتزج بهم وحال في كل مكان، ولذلك نفوا أن يكون الله في العلو، وهذا كفر وضلال، ولهذا قال بلا حلول ولا اختلاط ولا ممازجة، يعني كما تقول الحلولية. Donc il dit que ça c'est une parole de la part de l'imam Ma'mar ibn Ahmad au sujet du fait qu'il faut croire en Allah subhanahu wa ta'ala et qu'il est au-dessus de sa création, au-dessus de son trône, et qu'il n'est pas mélangé avec sa création. Et le but de ça, c'est pour réfuter les Jahmiyyah. Les Jahmiyyah qui ont l'idée que Allah est mélangé avec sa création et qu'il est partout, hein, comme ils disent, fi kulli makan. Donc ça c'est totalement faux. Et il dit ensuite à propos de cette citation là, il dit wa su'al al mashhur an kayfiyat al nuzul ma intiqal al thuluth al akhir min al layl jawabuhu anna naqul hadha بالنسبه للمخلوق فالسؤال فالسؤال يتصور اذا كنا نتحدث عن المخلوق، اما بالنسبه للخالق فلا يقال هذا لانه ليس كمثله شيء، فالله لا يمثل بخلقه. ونقول للسائل: المستشكل للنزول بشبهة الاختلاف الليل والنهار من مكان إلى آخر تنقلهما في البقاع والأقطار، وإنما دخلت عليه الشبهة لأنك شبهت نزول الخالق بنزول المخلوق. نعم، ça c'est clair. Donc ceux qui disent comment vous pouvez dire que Allah descend parce que le tiers de la nuit en Amérique c'est pas la même au même moment que le tiers de la nuit au Japon par exemple. Donc comment vous pouvez dire ça? Et yani, le cheikh il dit c'est parce que vous essayez d'imaginer comment Allah descend. Mais il faut savoir qu'il n'y a pas de comparaison entre le créateur et la créature. Et comment Allah descend et comment la créature descend, c'est différent. Donc si vous essayez d'imaginer comment il descend d'essayer de comparer Allah avec sa création, c'est sûr que vous ne pouvez pas comprendre ou vous trouvez que c'est quelque chose qui cause un problème. Mais si tu comprends que Allah subhanahu wa ta'ala laisa ka mithlihi shay, et qu'il n'y a rien qui lui ressemble et il n'y a rien comme lui, donc dans ce cas-là, il n'y a pas de complication, il n'y a pas de difficulté à comprendre ce sujet-là. Cheikh Ibn Baz, il a dit au sujet de cette citation, ou au sujet de ce cheikh, il dit قال سماحة الشيخ à propos du terme soufia ou cheikh soufia, il dit لعل المراد الأوائل المعروفون وهم أهل الزهد والورع أهل التصوف الأوائل هم أهل الزهد والورع مثل الجنيد وأبي سليمان الداراني وبشر الحافي وأشباههم الذين اشتهروا عند الناس بالزهد والورع والعبادة والرغبة في الآخرة والزهد في هذه الدار، كان يقال لهم أهل الورع وأهل الزهد، ثم حدث هذا الاسم الجديد التصوف. Donc ça c'est le Cheikh Ibn Baz, il dit que probablement qu'est-ce qu'il veut dire par le Cheikh des Soufis, il dit il veut dire les premiers qui étaient connus à l'époque parmi les gens du zuhd et les gens de al-wara. Et il dit que les premiers gens du tasawwuf parmi les gens du zuhd et les gens de al-wara, c'est-à-dire les gens qui délaissaient, qui s'attachaient qui s'attachaient pas à la dunya, qui s'écartaient de ces choses-là, puis qui avaient une grande crainte d'Allah et qui faisaient beaucoup d'adoration, comme al-Junayd, Abu Sulayman ad-Darani, Bishr al-Hafi et ceux qui leur ressemblent. Ceux-là qui sont célèbres chez les gens pour leur piété et leur religiosité, leur adoration, leur amour pour l'au-delà et leur délaissement de cette vie d'ici-bas, et le fait qu'ils préféraient la vie de l'au-delà sur la vie sur cette vie. Et donc on les appelait les gens de Al-Wara et les gens de Az-Zuhd. Puis le nom, le nouveau nom est arrivé par la suite, At-Tasawwuf, ou As-Sufiya. Mais ce nom-là, il n'existait pas à la base. Et le terme Sufiya, il vient de quoi? Les gens, ils disent, il vient de en fait, As-Suf. Le mot As-Suf, c'est-à-dire la laine. As-Suf. Non, ça vient d'As-Suf. Les Soufis ont essayé de donner plein d'autres définitions ou d'origine à cette appellation-là, pour essayer de valoriser l'appellation, en disant par exemple que ça venait de Saf, Saf al-Awwal, le premier rang. Donc pour dire que nous, on est les musulmans du premier rang, on fait beaucoup d'efforts. Ouais, pour dire qu'on vient, on arrive plus tôt avant les autres et tout. As-Safwa, il y en a d'autres qui ont dit As-Safwa. As-Safwa, c'est qu'est-ce qu'il y a de meilleur dans quelque chose, comme tu dis, la crème de la crème, ou bien il y en a d'autres qui ont dit que ça venait de Ahl-Suffa. Ahl-Suffa, et Ahl-Suffa c'était des gens qui étaient dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils n'avaient pas assez d'argent pour être dans une maison à Médine, donc ils venaient faire la hijra puis ils habitaient dans la mosquée pendant un certain temps, jusqu'à ce qu'ils aient assez d'argent pour vivre à l'extérieur de la mosquée. Donc, pour dire, eux, c'était des pauvres qui s'attachaient pas à la dunya et faisaient, t'sais. Alors qu'en réalité, il y a eu plein de sahaba qui ont été parmi les gens de As-Suffa, puis qui sont pas restés. C'est-à-dire, c'était pas, Ahl-Suffa, c'était pas un nombre, ou une catégorie, ou disons, un nombre spécifique ou précis de personnes. C'était des gens qui habitaient dans la mosquée pendant qu'ils étaient là, jusqu'à ce qu'ils déménagent. Et quand ils sortaient de la mosquée, d'autres arrivaient, puis prenaient leur place. Et donc, il y avait un relais, tu vois, il y avait une circulation. C'était pas un groupe de personnes particuliers qui se distinguaient des autres sahaba, non. Donc, ça c'est très important de le comprendre, parce qu'il y en a qui essaient de faire comprendre que Ahl-Suffa c'était un groupe bien connu, qui changeait jamais, c'était toujours les mêmes, puis ils restaient comme ça tout le temps, alors que c'était pas le cas. C'était quoi encore les explications qu'ils ont données, hein? As-Safa, hein? C'est-à-dire la pureté, hein? As-Safa. Et Ibn Taymiyyah, dans son livre, il mentionne ça à l'introduction, puis il dit toutes ces définitions là qu'ils ont essayé de se donner pour valoriser le soufisme n'ont aucune origine, même dans la langue arabe. Il dit si ça venait de Safwa, on dirait Safawi et non Soufi. Si ça venait de Saf al-Awwal, on dirait Soufi et non pas Soufi. Si ça venait de Safa, on dirait pas Soufi, on dirait Safa'i. Hein? Donc, en tout cas, Ibn Taymiyyah, il les a réfutés sur chaque point. Et puis après, il a dit la vraie définition du mot Soufi, la vraie origine du mot Soufi, c'est que ça vient du mot As-Souf. Et As-Souf, ça veut dire la laine. Et pourquoi il l'appelait Soufi? Pourquoi ils s'attachaient à la laine, c'était le vêtement des moines chrétiens qui était fait de laine, hein, des longues tuniques, oui, la soutane de laine, et eux ils ont voulu imiter ces moines, alors ils ont préféré la laine à d'autres tissus en laine, c'est ça, parce que ça donne l'image ou l'impression de la pauvreté, puis le délaissement de la dunya, puis tout ça. Alors que Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le Coran au prophète sallallahu alayhi wa sallam, قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أُخْرِجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتُ مِنَ الرِّزْقِ. Qui dit, qui a interdit les parures que Allah a révélées, qu'il a fait sortir pour ses serviteurs, et ainsi que les bonnes nourriture parmi les choses qu'il a donné comme subsistance. Il dit qul hiya lilladhina amanu fil hayati qul hiya lilladhina amanu fil hayati ad-dunya khalisatan yawm al-qiyamah. C'est-à-dire que dit c'est pour les croyants en cette vie d'ici-bas et uniquement pour eux dans l'au-delà. Dans cette vie d'ici-bas, c'est pour Allah l'a créé tout ce qu'il y a de bon dans la vie d'ici-bas, il l'a créé pour les mu'minines. Mais aussi les kuffars, ils peuvent en avoir. Tandis que dans l'au-delà, ce ne sera que pour les mu'minines. Les kuffars n'en auront même pas une goutte d'eau. D'accord? Donc c'est pour dire, et si vous regardez le tafsir de ce verset-là, vous allez voir même que les ulama de tafsir, plusieurs d'entre eux, ils ont réfuté les soufis sur cette question. De Tassawouf. Et un des ulama qui a beaucoup réfuté les soufis dans son tafsir, c'est l'imam Al-Qurtubi dans son tafsir. À chaque fois qu'il parle de ces versets-là, il y en a qui ont rapport avec ces versets que les soufis essaient de. Comme les choses que les soufis contredisent dans le Coran, eh bien lui, il les réfute dans son tafsir. Et vraiment des réfutations vraiment fortes. Même il les insulte, Yanni, des fois. Donc, c'est pour dire comment il les aimait pas, Yanni. Et avec raison. Donc, ça, c'est pour, juste pour dire par rapport aux soufis. Et donc c'est ça. Et les premiers soufis qui sont apparus, comme ceux que le Cheikh a cités, comme Al-Junaid et Ibn Abi Sulayman al-Dharani et Bishr al-Hafi, bon, ils étaient sur la aqida des salafs, d'après ce que certains ulama ont expliqué, mais en même temps, ils n'étaient pas exempts de certaines erreurs aussi parfois. Puis aussi, qu'est-ce qui se passe, c'est qu'il faut savoir qu'ils n'étaient pas comme les soufis aujourd'hui, ils n'appartenaient pas à une tariqa. Ils n'avaient pas une bai'a, un cheikh. Ils étaient comme les autres musulmans. La seule différence, c'est qu'ils faisaient beaucoup d'adoration. Ils étaient très pieux, hein, des gens de bien. Donc c'est ça que ça veut dire. وهذا الكلام مشتمل على تقرير عقيدة كبار أئمة التصوف في الزمان الأول. Donc ça c'est le Cheikh Salih al-Sheikh. Il dit هذا الكلام مشتمل على تقرير عقيدة كبار أئمة التصوف في الزمان الأول. فإنهم كانوا في الصفات على منهج أهل السنة ولم يكن بينهم وبين أهل السنة فرق كما هو مقرر في كتاب الإمام الكلاباذي رحمه الله التعرف على أقوال أهل التصوف أو ما أشبه ذلك أو نحو هذا العنوان وهو مطبوع ذكر فيه اعتقاد أئمة التصوف وهو مشتمل على ما يوافق اعتقاد السلف في جل المسائل. Donc le Cheikh il dit par rapport à la parole de Ma'mar ibn Ahmad al-Asbahani, il dit cette parole comprend l'affirmation de la aqida des salafs et des imams plutôt l'affirmation de la aqida des grands imams du soufisme des premiers siècles ou des premières époques et qu'ils étaient sur le manhaj de Ahl Sunnah à propos des attributs d'Allah. Et il n'y avait pas de différence entre eux et entre les gens de la Sunnah à ce sujet-là, comme c'est confirmé dans le livre écrit par l'imam Al-Kalabadi, rahimahullah, qui s'appelle At-Ta'arruf ala Aqwali Ahl al-Tasawwuf, c'est-à-dire de faire connaître les positions des gens du Tasawwuf. Donc, il y a un livre qui était écrit qui s'appelle At-Ta'arruf ala Aqwali al-Tasawwuf, et dans ce livre-là, c'est un livre qui a été publié, qui existe maintenant, qui est en vente dans les librairies. Il mentionne dedans la aqida des imams des soufis. Et il mentionne qu'il montre comment ils étaient en accord avec la aqida des salafs dans la plupart des questions. D'accord? Donc c'est pour dire que les premiers soufis, hein, ou les premiers qui sont attribués ou qu'on considère comme étant des soufis, eh bien, ils étaient sur la même aqida que les salafs dans la question des noms et des attributs d'Allah. Ça vient réfuter ce que les soufis qui sont venus par la suite ont ramené comme égarement et comme mensonge et comme fausseté à propos de leur croyance. Yarhamukallah. Puisque la plupart, comme j'ai dit tout à l'heure, tous les soufis aujourd'hui, ils croient tous en wahdatul wujud et ils sont sur l'aqida des jahmiyyah. Hein, à propos d'Allah. Donc, c'est clair qu'ils ont dévié par la suite. Ils sont plus sur la aqida des salafs. Le Cheikh il dit ensuite: "Wa hadha an-naql wadihun fi mas'alatayn 'azimatayn khalafa fihima al-Jahmiyya al-Jahmiyya ahl as-sunnah wa huma mas'alat al-istiwa' wa mas'alat an-nuzul. Fa inna al-istiwa' furqan" فرقان وكذلك النزول فرقان فنبه على أن الاستواء معقول يعني معقول معناه كما قال الإمام مالك الاستواء غير مجهول يعني المعنى في اللغة. Donc il dit que dans cette parole de l'imam Ma'mar il y a deux questions dans lesquelles on voit que les soufis à cette époque-là ont contredit les Jahmiyyah et que c'est des questions dans lesquelles les Jahmiyyah ont contredit Ahl Sunnah wal Jama'a, et c'est la question de Al-Istiwa, le fait qu'Allah est au-dessus de son trône, et la question de Al-Nuzul, c'est-à-dire la descente d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il dit, il a fait voir que Al-Istiwa c'est quelque chose qui est ma'koul, c'est-à-dire que tu peux comprendre sa signification. Et l'imam Malik, il a dit al-istiwa ghair majhoul, c'est-à-dire c'est quelque chose qui n'est pas ignoré dans c'est-à-dire la signification dans la langue arabe. وكذلك الكيف مجهول يعني إثبات الاستواء وإثبات المعنى ولا إثبات الكيفية. Donc on affirme la signification de l'istiwa et mais par contre on n'affirme pas le comment parce qu'on peut pas le connaître et on fait pas de ressemblance avec Allah et sa création et ainsi de suite. Donc ça c'est des choses qui sont claires. Après, il dit, oui, non. Oui, oui, oui, oui. Les chrétiens, tu les entends tout le temps parler comme ça. Oui, Dieu est en moi, hein. Et même ils disent parfois, mon corps est le temple de Dieu, ou je sais pas, des trucs comme ça. Tout ça, c'est des exemples de croyances en cette aqidah de hulul. Et de wahdatul wujud, des trucs comme ça. Donc les soufis, c'est la même chose. Ils disent ça, des paroles comme ça. Al-Hallaj, qui était une des têtes là, des soufis, parmi les premiers hérétiques, yani parmi les soufis, il a été exécuté justement parce qu'il disait, il est monté sur la Kaaba, je crois, et il a ouvert son manteau, et il a dit, Laysa fil jubbati illallah. C'est-à-dire il n'y a rien dans ce manteau excepté Allah. Et on l'a emprisonné pendant des années en lui demandant de se repentir. Il n'a jamais voulu se repentir. Au contraire, il a ajouté même dans son coffre. Donc c'est pour dire que yani, c'était une aqida des gamins. Et des fois, tu parles avec des soufis, puis ils disent non, il y a deux catégories de soufisme. Il y a les soufis comme ceux-là, qui exagèrent, qui sont extrémistes, puis il y a les soufis modérés qui sont en accord avec la sunna. Et ça, tu trouves certains aujourd'hui qui répètent ces paroles-là quand tu les critiques au sujet du soufisme. Ils vont dire non, nous on n'est pas comme ces soufis-là, nous on est les soufis modérés qui sont en accord avec la sunna. Et en réalité, même ceux qui prétendent être modérés puis pas être extrémistes, ils ont tous un respect, ils défendent tous Al-Hallaj. Et ils défendent tous Ibn Arabi. Et ils le considèrent tous comme leur cheikh. Même ils l'appellent Cheikh Al-Akbar. Hein? Khatim Al-Awliya. Ils l'appellent Cheikh Al-Akbar et Khatim Al-Awliya. C'est-à-dire Cheikh Al-Akbar, le plus grand cheikh, et Khatim Al-Awliya. Il ne pouvait pas dire Khatim Al-Anbiya. Parce que c'est déjà pris, hein? C'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui est le dernier prophète. Alors il a dit, je ne suis pas Khatim al-Anbiya, mais je suis Khatim al-Awliya. Hein? C'est-à-dire le dernier des Awliya, des rapprochés d'Allah. Tu n'as pas le droit de dire ça. Parce que le Khatim des Awliya, c'est qui? C'est le dernier musulman qui va vivre sur la terre. Parce que tous les musulmans sont des Awliya d'Allah. Sauf qu'il y a des degrés de wilaya, hein. Il y en a des walis qui sont très pieux, qui sont plus rapprochés d'Allah, hein, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les prophètes, les anges, hein, les messagers, et les sahaba, et ainsi de suite, et les ulama, les grands pieux. Donc, eux sont des awliya très élevés, très rapprochés d'Allah. Puis, il y a des awliya d'Allah qui ont une foi plus faible, qui font même des péchés. Hein? Tu peux être un wali puis faire des péchés, mais sauf que tu vas te repentir à Allah. Hein? Tu fais tawba et ainsi de suite. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a défini le terme wali dans le Coran. Ala inna awliya Allah, la khawfun alayhim wa lahum yahzanun, alladhina amanu wa kanu yattaqun. Donc, tout mu'min, taqi, il est wali d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pas comme chez les soufis qui croient que pour être un wali il faut faire des miracles, il faut connaître le ghaib, il faut avoir des dons surnaturels. Allah musta'an. ça, à cause de cette définition du wali qu'ils ont, ça a fait tomber beaucoup d'entre eux dans le sihr. Parce que pour justement pouvoir faire des miracles, pour dire qu'ils sont des walis, ils sont obligés d'aller étudier le sihr pour faire des choses que les gens ne comprennent pas. Après ça, ils vont dire « Ah, ça c'est un wali ». Alors que ça n'a rien à voir avec Al-Wilaya. Tu n'en vois dans certaines turuq, qu'est-ce qu'ils font? Ils se plantent des tiges de métal à travers la joue, à travers le ventre, à travers le corps, et puis tu vois pas de sang. Ils disent, c'est parce que je suis un wali. Ils vont manger du verre, ou bien ils vont avaler des sabres, ou bien ils vont marcher sur du feu, des trucs comme ça. Tu vois, des choses que c'est les shayatins qui font. Et eux, ils font ça pour essayer de prouver qu'ils sont des awliya d'Allah. Quand est-ce que tu as vu les prophètes d'Allah faire ça pour prouver ou pour montrer qu'ils sont des awliya? Jamais. Et combien de fois les kuffars à l'époque des messagers, lorsque les messagers venaient et les appelaient à croire en Allah, ils disaient montre-nous un miracle, hein, montre-nous une preuve, montre-nous un signe. Et dans plein de versets, Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne que les prophètes ont répondu, ce n'est pas à moi de donner un signe. C'est Allah qui donne les signes. C'est pas les prophètes qui décident quand ils vont faire le miracle, hein, ou pour qui ils vont faire le miracle. Non, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui décide quand est-ce qu'il va lui donner le miracle. Et même Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne dans le Coran comment certains des juifs ont demandé au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam de faire donner une preuve ou un signe ou de faire un miracle. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit de dire, est-ce que d'autres qui sont venus avant moi sont venus avec des miracles et avec ce que vous me demandez, et vous les avez tués ou vous les avez reniés, hein? Donc pourquoi vous demandez des miracles, pourquoi, hein? Juste pour essayer de justifier leur mécréance, en fait. C'est pas pour croire, c'est pour essayer de justement avoir un prétexte pour ne pas croire. Et oui. Tu as dit qu'il y a une relation entre les sophis et les chiites. Oui. C'est quoi cette relation là entre les sophis et les chiites? En fait, c'est que la région dans laquelle le soufisme est né, c'est la même que la région où le Shia Tashayyu est né. Donc, déjà dans le lieu, il y a une chose en commun. La plupart des chiites des soufis, sont des soufis. Et oui, à l'origine, même aujourd'hui. Et ils ont des liens en commun dans le sens que leur notion de wali, c'est la notion de wali chez les soufis, c'est la même que la notion de imam chez les rafidah. Tu vois? C'est-à-dire, ils leur donnent presque les mêmes qualités, les mêmes attributs presque divins, Et aussi l'adoration des saints, l'adoration des tombes chez les soufis, chez les chiites, c'est l'adoration des imams, puis les mosquées construites sur les tombes des imams, le tawassul. Et allez, même que, subhanallah, une fois j'ai vu sur YouTube, il y avait un groupe de soufis, je ne sais pas c'est de quel groupe ou de quel tariqa, mais tu sais, les soufis ils se prétendent sunnis. Parce qu'ils ne sont pas chiites, donc ils disent qu'ils sont automatiquement sunnis, même s'ils contredisent la sunna et qu'ils font toutes les bid'as du monde. Alors qu'en réalité, on sait que pour être un vrai sunni, il ne faut pas faire aucune bid'as. Hein? Donc eux, ils se prétendent sunnis, ils sont allés en Iran, visiter l'Iran. Alors ils ont dit aux chiites, et là ils font leur déclaration après avoir fait leur voyage et leur visite, ils disent « Ah, mais on est venu visiter votre pays et on nous avait dit que vous aviez tellement de différences, mais en même temps, maintenant on est venu ici, on a vu que vous faites la même chose que nous les sunnis. Vous allez au tombeau, vous priez les morts, vous faites le tawassul comme nous. » Donc en fait c'est comme pour dire « on a des choses en commun, on n'est pas différent de vous, c'est juste les wahhabis, notre problème. En fait, c'est ça qu'est la diable, hein, la personne. Elle dit, notre problème, c'est juste avec les wahhabis. Parce que c'est les wahhabis qui interdisent l'adoration des tombes, qui interdisent l'adoration des saints, qui interdisent de faire le tawassul par la personne du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, en l'invoquant ou en demandant à Allah par son statut ou par son nom, des choses comme ça. C'est eux qui interdisent le maulid. C'est eux qui font ci et ça et ça. Donc, c'est pour dire, les vraies personnes qui nous dérangent là, c'est pas vous les chiens, c'est les wahhabis, hein. C'est ça qui te sert. Donc, c'est pour dire qu'en fait, tu vois qu'il y a des liens. Puis, il y a un cheikh qui a écrit justement, qui a parlé de ça dans son livre, c'est le cheikh Ihsan Ilahi Zahir. Cheikh Ihsan Ilahi Zahir, qui est un cheikh du Pakistan. Et ce cheikh du Pakistan, il a écrit sur presque toutes les sectes des Garma et les a réfutées. Il a écrit plusieurs livres sur les Shia, pour réfuter les Shia. Il a écrit des livres pour réfuter les Ismaïliyyah, les Druzes. Il a un livre au sujet des... je pense qu'il a écrit même un livre au sujet des Bareilouiyyah. Il a écrit un livre à propos des Ahmadiyyah, des Qadianiyyah, il les a réfutés, et il a réfuté plusieurs turuq soufiyyah, et c'est dans un de ses livres justement qu'il mentionne le lien entre les soufis puis les Shia, et qu'il y a un lien entre les deux. Donc... Oui, il y a des choses en commun. Disons qu'il y en a qui ont le turban, puis qui s'habillent un petit peu pareil. Donc, oui, c'est vrai qu'il y a des choses, vraiment, il y a beaucoup de choses qui se ressemblent. Je pourrais vous ramener plus, si je retourne vérifier dans le livre, ramener des exemples qui ont été mentionnés par le cheikh. Donc, dans ce cas-là, je pourrais vous élaborer plus là-dessus. Pardon? Les codes, oui. Ça aussi, je vais le ramener. Oui, je vais le ramener la semaine prochaine, Inch'Allah, pour que vous puissiez voir ça. Et vous allez voir que c'est vraiment surprenant, yani, subhanallah. J'ai aussi un paquet de livres que j'ai trouvé des fois, chaque fois que je trouvais des livres d'égarement ou des livres de soufis ou de d'autres sectes dans des mosquées. Ou dans des endroits où des gens même parfois qui viennent me voir et me disent ça, est-ce que c'est correct? Je dis non, ça c'est pas correct, ça. Ou bien il y a des livres de bid'a, de shirk. Donc moi, qu'est-ce que j'ai fait? Je les prends, je les gardais dans une boîte. Donc j'ai un paquet de ces livres là, je les garde toujours, comme si par exemple si j'ai besoin de montrer à quelqu'un quelque chose pour lui montrer les égarements de ces gens-là ou des preuves comme ça. Donc là, je leur dis, regarde, tu vois, dans ton livre, c'est écrit ça. Tu vois. Et là, je suis tombé sur un livre qui a été publié au Sénégal. C'était une catastrophe. C'est un livre des Tidjaniyah. Mais il y a des prières à des demandes de protection des anges. Mais des noms d'anges que tu n'as jamais entendu parler de toute ta vie. C'est des noms, et eux disent que c'est des noms d'anges, mais d'où est-ce qu'ils ont appris le nom de ces anges-là? Nulle part. Hein? Alors, ce n'est pas des noms d'anges en réalité, c'est comme tu dis, l'Ahsan, c'est des noms des shayatines. C'est des noms des shayatines. Et eux, ils les adorent. Hein? Ils les adorent, les shayatines. Avec les djinns, ouais. Ouais. Oui, c'est ça. Oui, ça, tu m'as parlé de ça, Mohamed, je me rappelle. C'est ça. Ben, exactement. Dans les... Oui, oui. Oui, ben, ils sont... Là où il y a du monde, ils sont là. Ouais, ouais. Non, parce que les petites communautés de soufis qui sont dans les pays occidentaux, ils gardent des liens entre eux, puis ils se visitent les uns les autres. Et toutes les turcs soufis, c'est à peu près comme ça. Ouais. Lui, c'est un Naqshbandi. Lui, c'est un Naqshbandi, tu vois. Et ça, c'est parce que lui, d'origine, il est malien. Alors qu'au Mali, la tariqa naqshbandiya, elle n'est pas vraiment propagée là-bas. C'est ça, française, oui. C'est ça, donc en fait, probablement que, parce que les turcs au Mali, c'est soit la Tijaniya ou la Qadiriya, ou des turcs comme ça. Mais Naqshbandiya, tu trouves plus en Orient et en Asie, au Moyen-Orient. Tu trouves pas tellement en Afrique de l'Ouest, en Afrique du Nord. Tu trouves pas beaucoup cette tariqa. Mais lui, étant donné qu'il est africain, probablement que yani, les chefs de la tariqa lui ont donné la responsabilité d'essayer d'attirer plus de Maliens ou d'Africains avec lui. C'est pour ça qu'il fait beaucoup de da'wah parmi les Africains pour les attirer à la tariqa. Tu vois? Parce que tu ne voyais pas d'Africains avant dans la tariqa Naqshbandiya. Hein? En général, il y en a. Mais sinon, là maintenant, il essaie d'en attirer de plus en plus. Oui, oui. Oui, oui, oui, oui, tu les vois. Tu les vois, oui. Exactement. Naam. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? On va lire. Maintenant, une dernière parole, et puis après on va terminer le dars, inshallah. C'est la parole de l'imam Al-Khalal, hein? Al-Sheikh Al-Imam Abu Bakr Ahmad ibn Muhammad ibn Harun Al-Khalal fi kitab al-Sunnah. Haddathana Abu Bakr Al-Athram, haddathana Ibrahim ibn Al-Harith, يعني العبادي حدثنا الليث ابن يحيى قال سمعت إبراهيم ابن الأشعث قال أبو بكر وهو صاحب الفضيل قال سمعت الفضيل ابن عياض يقول ليس لنا أن نتوهم في الله كيف هو لأن الله تعالى وصف نفسه فأبلغ فقال قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد فلا صفة أبلغ مما وصف به نفسه وكل هذا النزول والضحك وهذه المباهة وهذا الاطلاع كما يشاء وينزل وكما يشاء ويباهي وكما يشاء ويضحك وكما يشاء أن يطلع فليس لنا أن نتوهم كيف وكيف فإذا قال الجهمي أنا أكفر برب يزول عن مكانه فقل بل أؤمن برب يفعل ما يشاء ونقل هذا عن الفضيل جماعة منهم البخاري في خلق أفعال العباد ونقله شيخ الإسلام بإسناده في كتابه الفاروق وقال حدثني يحيى بن عمار حدثنا أبي حدثنا يوسف ابن يعقوب حدثنا حرمي ابن علي البخاري وهاني ابن النضري عن الفضيل. Donc ça c'est la fin de la citation. Et Naam. Donc il dit ici, c'est une citation qui est tirée du livre de Al-Sunnah de l'imam Al-Khalal, mais c'est une citation de l'imam Al-Fudayl ibn Iyad. Et Al-Fudayl ibn Iyad, il fait partie des ulama, yani des ulama des salafs, mais il avait un penchant aussi vers le tasawuf lui aussi. Donc là, on voit qu'il rentre dans, yani Ibn Taymiyyah, il rentre dans une section où il cite de certaines personnes qui ont eu des penchants ou des tendances vers at-tasawwuf. Et donc, il cite ici ça pour réfuter justement les soufis aujourd'hui qui, eux, croient pas, yani affirment pas que Allah est au-dessus de sa création et qu'il est séparé de sa création, au-dessus de son trône. Et pour les réfuter sur leur aqida de wahdatul wujud et des choses de ce genre. Donc il dit ici, naam, Samitu Ibrahim ibn al-Ash'ath, قال أبو بكر وهو صاحب الفضيل dit j'ai entendu Al-Fudayl ibn Ayyad qui disait on n'a pas à essayer de d'imaginer comment Allah subhanahu wa ta'ala est parce que Allah subhanahu wa ta'ala s'est décrit lui-même et il l'a fait de la façon la plus éloquente et la plus claire en disant dit Allah subhanahu wa ta'ala c'est lui l'unique hein, c'est Allah l'unique Allahus Samad celui vers qui toutes les créatures se tournent hein. Lam yalid wa lam yulad c'est-à-dire il n'a pas été engendré il n'a pas engendré et il n'y a rien qui est comparable avec lui il n'y a rien ni personne qui est comparable avec lui هذه الصفات لا ينبغي للإنسان أن يتوهمها ولا أن يمثل لها ولا يكيفها وكل ما يتوهمه الإنسان فالله بخلاف ذلك. Donc c'est ça. On ne peut pas essayer d'imaginer comment Allah subhanahu wa ta'ala est, comment il est, comment يعني comment il s'est décrit lui-même. يعني il est tel qu'il s'est décrit, mais on n'a pas essayé d'imaginer quoi que ce soit de cela. Donc, en fait, il n'y a pas trop d'explications, il n'y a pas plus d'explications que ça. C'est, il mentionne donc Surat al-Ikhlas, puis donc il dit que Allah subhanahu wa ta'ala s'est décrit de la façon la plus claire, il n'y a pas de façon de décrire Allah subhanahu wa ta'ala qui est plus éloquente et meilleure que la façon dont Allah s'est décrit lui-même. Et ça, ça comprend tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné comme description de sa personne ou tout attribut, comme le fait de la descente, le fait qu'Allah descend au dernier tiers de la nuit, le rire, Allah subhanahu wa ta'ala, il rit comme cela lui convient, et al-mubaha wa hadha al-ittila' kama yasha an yanzil, donc il descend comme il veut. Et il rit comme il veut. Hein? Et donc, on n'a pas à essayer d'imaginer quoi que ce soit et de poser la question du comment, ou essayer d'imaginer comment Allah subhanahu wa ta'ala est. Et donc, lorsque le Jahmi, ça c'est un point que j'ai beaucoup aimé cette parole, j'aime beaucoup cette parole pour réfuter les Jahmi, hein? Il dit, lorsque le Jahmi te demande, ou lorsque le Jahmi te dit moi je refuse de croire en un Dieu qui quitte sa place ou qui ne reste pas à sa place hein? Il dit je refuse de croire en un Seigneur qui ne resterait pas à sa place ou là où il est hein? Et lui, il a répondu pour le réfuter. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, moi, je crois en un Seigneur qui fait ce qu'il veut. Tu vois? Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, il dit, fa'alun, fa'alun lima yurid. Fa'alun lima yurid. C'est-à-dire, Allah subhanahu wa ta'ala, il fait tout le temps comme il veut. Il fait ce qu'il veut et comme il veut. فعال لما يريد فعال فاعل ça veut dire celui qui fait فعال c'est celui qui fait tout le temps ou beaucoup hein, souvent c'est la forme de يعني مفعل donc c'est à dire il fait constamment comme il veut et ça c'est une parole qui a été citée et retranscrite ou disons citée par l'imam al-Bukhari dans son livre Khalq Af'al al-Ibad. Donc cette parole de Al-Fudayl ibn Iyad, elle a été mentionnée par l'imam al-Bukhari dans son livre Khalq Af'al al-Ibad, il l'a citée, hein, il l'a citée. Et elle est également mentionnée dans le livre de l'imam Abu Ismail al-Harawi dans son livre Al-Faruq. Et il a mentionné la chaîne de transmission de l'imam al-Harawi. Donc il dit Kitab al-Faruq fi ithbat al-sifat. Donc ça c'est un livre qui s'appelle al-Faruq fi ithbat al-sifat et c'est écrit par le cheikh l'imam Abu Ismail al-Harawi. Et même lui aussi il avait un peu de tasawuf. Il avait un peu de tasawuf. Et l'imam Ibn al-Qayyim il a fait le résumé de son livre qui s'appelait Manazil al-Sa'irin. Il l'a appelé Madarij al-Salikin. Donc c'est le livre très connu de l'imam Ibn al-Qayyim. Et il a fait le résumé pour enlever les erreurs ou les paroles ambiguës ou les choses qui sont qui prêtent à confusion dans les paroles de l'imam al-Harawi dans ce livre-là. Et il a fait ça pour lui rendre service en fait, hein, pour éviter que les gens interprètent mal ses propos d'une manière qui serait en contradiction avec la aqida des salafs. Malgré que Cheikh Mohamed Aman al-Jami, il dit qu'il y a encore certaines petites erreurs dans le livre, malgré le résumé de l'imam Ibn al-Qayyim, mais n'empêche que c'est un livre qui est très très très bon, très bénéfique. Et il dit donc qu'il dit قد شرحه ابن القيم كتاب مدارج السالكين ولكن شيخ الإسلام الهروي على طريقة الصوفية وأما كتابه الفاروق في فضل الأسماء والصفات فهو كتاب جيد في هذا الباب ورد به على المعطلة. Donc il dit que le livre Al-Farouq au sujet de l'affirmation des attributs d'Allah, il dit c'est un bon livre et il y a dedans l'affirmation des attributs d'Allah et la réfutation des mu'attila, ceux qui nient les attributs d'Allah parmi les gens de bid'ah. Pardon? Les mu'attila, ceux qui font le ta'til, on les appelle des mu'attila, ceux qui nient les attributs d'Allah. Ça, les mu'attila, c'est un terme plus général qui comprend toutes les différentes sectes, les Jahmiya, les Mu'tazila, les Asha'ira, les Maturidiya, parce qu'eux, ils font tous ta'til, ils nient les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'y a pas une secte aujourd'hui qui s'appelle Jahmiya et qui ont la même croyance que Jahm ibn Safwan à l'époque en tant que groupe. Mais la aqida de Jahmiya, il y a encore des exemples de cette aqida là dans différentes sectes. Oui, c'est ça. Comme les Asha'ira, comme les Rafida, comme les Soufiya, yani, et d'autres. Donc c'est ça. Et les ulama, des fois, quand ils disent Jahmiya, ils ne veulent pas nécessairement dire seulement les Jahmiya, mais ils veulent dire tous ceux qui ont la même base d'égarement que les Jahmiyyah et qui nient des attributs d'Allah. Même s'ils nient pas toutes, même s'ils nient juste une partie, ils les appellent quand même des fois Jahmiyyah de façon générale parce que c'est le manhaj qu'ils ont pris qu'ils veulent désigner par ça. Après ici, hein? Naam. De ça, c'est vrai. À l'aqida ou non et aux attributs d'Allah. Tout de suite, on va le savoir. Exactement. Exactement, c'est eux. C'est vrai. Barakallahu fik. Donc, c'est exactement ça, cette réflexion-là, même, qu'est-ce que tu dis là, c'est quelque chose que c'est facile à même, tu le constates facilement, parce que chaque fois que les gens de bid'ah vont faire des conférences, organiser des cours et tout, ils vont jamais parler d'aqida. Très rarement. Et donc, c'est même que ça devient presque une façon pour les reconnaître. Hein? Si tu veux. Exactement. Exactement. C'est tabou. La aqida, c'est un sujet tabou pour eux. Et si tu en parles de aqida, automatiquement t'es banni. Hein. Ils vont même plus te parler. Ben c'est bon, mais c'est-à-dire des fois tu peux même trouver des gens de bid'ah, des fois ils vont mentionner le tawhid, mais disons qu'en général c'est les gens d'Ahl Sunnah qui parlent du tawhid. Ouais. Non. Parce que les gens de bid'ah, ils ont leur tawhid à eux. Hein. Ouais. Les Mu'tazila, ils ont leur tawhid, les soufis, ils ont leur tawhid. Tu sais, le tawhid des soufis, c'est quoi? C'est la croyance en le hulul, le wahdatul wujud. Parce que pour eux, le vrai tawhid, c'est que tu fais pas, tu crois qu'il y a une seule chose qui existe, c'est Allah. Et tout est Allah. Donc tout est un. Et c'est ça pour eux le tawhid. Eux aussi, ils disent, si tu distingues entre le créateur et la créature, ça veut dire qu'il y a plus qu'une seule chose qui existe. Donc tu es un mushrik. Tu vois, donc pour eux, le shirk c'est le tawhid, puis le tawhid c'est le shirk. Les mu'tazila, pour eux, le tawhid c'est quoi? C'est de nier les attributs d'Allah et de nier le qadar. Donc c'est ça leur tawhid à eux. Tu vois? Et donc c'est pour ça, donc chaque secte elle a son tawhid. Et la plupart des sectes, quand ils ont dévié dans le tawhid en premier. Toutes les sectes qui ont dévié, elles ont toujours commencé leur déviation en général par le tawhid. Donc c'est pour ça, il faut faire attention. Même si tu entends quelqu'un, des fois il va parler de tawhid, mais est-ce qu'il va parler du tawhid selon Ahl Sunnah al Jama'a? C'est ça l'important. Regarde les Sururiya, hein, et les Ikhwan, ils vont dire le mot tawhid parfois, ils vont parler de tawhid, mais le tawhid al-Hakimiya, hein, ou bien ils utilisent le terme tawhid pour faire le takfir des dirigeants. Puis pour parler de al-Hakimiyya seulement. Ils vont pas parler de tawhid dans l'adoration, le tawhid dans ces choses-là, non. Donc, une fois, je me rappelle, même, je pense, c'était le frère de Tariq Ramadan, Hani Ramadan, qui a fait une conférence sur le tawhid. Eh bien, tu écoutes la conférence du début à la fin, puis tu te demandes, mais il n'a pas parlé de rien d'autre que tawhid al-Rububiyya. La seule chose qu'il passe, c'est Tawhid al-Rububiyya. Donc pour eux, le Tawhid, c'est Tawhid al-Rububiyya. Il n'y a pas. Oui, c'est ça. Tu vois, les gens de Bida, c'est ça. C'est ça. Enfin, il dit le mot Tawhid, mais il vide le Tawhid de toute sa signification. Exactement. C'est ça. Donc, Allah Musta'an wa alayhi tuklan. D'accord. Donc, on va s'arrêter ici, Inch'Allah, pour aujourd'hui. En fait, qu'est-ce que je pense? Parce que le livre, je ne sais pas si vous avez constaté, mais les imams répètent, en général, vont tous répéter les mêmes choses. Et c'est toujours les mêmes principes. Et ça ne changera pas. Et les principes, c'est les principes d'Ahl Sunnah. Donc, je ne sais pas. Cheikh Al-Fawzan, lui, il s'est arrêté à l'introduction. Nous, on a continué un petit peu plus pour profiter un peu encore des citations des ulama et des imams. Mais arrivé au point où on en est maintenant, là, Ibn Taymiyyah, elle va citer d'autres personnes, mais de plus en plus pires, tu vois. Par exemple, Al-Muhasibi et d'autres également. Il va citer d'autres par la suite, Ibn Furak. Et Al-Baqilani et ainsi de suite, qui sont des gens de Kalam. Bon, ils affirment les attributs d'Allah, donc il y a du bien là-dedans, mais il y a même Abu al-Hassan al-Ash'ari, il le cite. Donc il y a du bien là-dedans, mais en même temps, je veux dire, on a fait le tour de ces points-là, et je pense, moi, que on pourrait même s'arrêter ici, dans le livre de Al-Fatwa al-Hamawi, et puis je pense que ce serait suffisant qu'est-ce qu'on a étudié de ce livre-là jusqu'à maintenant. En même temps aussi, il y a des termes qui vont être mentionnés parfois et des sujets qui vont être abordés dans Al-Hamawi qui parfois rentrent dans qu'est-ce qui est assez compliqué. Puis de traduire ces paroles-là, parfois, ça va être vraiment un défi. Tu vois, je pense que le mieux, c'est de se limiter à qu'est-ce qui est le plus simple, le plus clair, qu'est-ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.